Léo est étudiant. Il est blond. Jo et Léo sont étudiants. Ils sont blonds. Léa est étudiante. Elle est blonde. Léa et Olga sont étudiantes. Elles sont blondes.